faire un tour. Je suis chargé, chargé, faire des sous. Je suis chargé, chargé, tu veux faire le fou. Je suis chargé, chargé, ou faire le sourd. Je suis chargé, chargé, faire un tour. Je suis chargé, chargé, faire des sous. Je suis chargé, chargé, tu veux faire le fou. Je suis chargé, chargé, ou faire le sourd. Je suis chargé, chargé, je suis partout. En danger, sur moi ils aimeraient tous manger, manger. Ils aimeraient me voir changer, changer. Parce qu'un son vaut plus qu'une plaquette de sang. Changer, je veux me venger, venger, étranger. Personne qui se mélange, les jaloux me pètent les ménages. Je m'étends, je change et pense et repense qu'il est grand temps que je fasse le ménage. Trop de frères dans les cieux, faut que ça s'arrête, s'arrête, s'arrête. Trop de frères dans les cieux, faut que ça s'arrête, s'arrête, s'arrête. Oh, je suis chargé, je fais les failles, t'inquiète, je m'en charge. Chargé, chargé, chargé, chargé, chargé. Et des fils de pute dans les alentours, je m'en charge. Chargé, chargé, chargé, chargé. Maintenant, je vais faire le pain, bandé en Audi. J'ai changé, je suis un trait, tu bizarre à ce qu'on dit. Je sais que tu m'aimes, tu es dans le cœur, mais dans le fond tu maudis. Je sais que tu joues le bandit, mais gros tout le monde a grandi. Malsaine, équipe remontée, chargée pour te démonter. Du plomb dans la tête comme la balle qui va pas te manquer. Ils veulent que je crève, je fais jamais de trait, je vais défendre ma place. Ok, j'ai fait des sous, mais j'ai jamais su, c'est gros, c'est ça la base. Tu veux tirer gros, faut savoir viser, viser, viser. Ils m'en veulent, vous voulez savoir qui c'est, qui c'est, qui c'est. Je me balade sur un gros bolide, quitté, quitté, quitté. Fais confiance qu'à mes couilles car elles me sont fidèles, fidèles, fidèles. Oh, je suis chargé, je fais les failles, t'inquiète, je m'en charge. Chargé, chargé, chargé, chargé. Et des fils de pute dans les alentours, je m'en charge. Chargé, chargé, chargé, chargé. Oh, je suis chargé, je fais les failles, t'inquiète, je m'en charge. Chargé, chargé, chargé, chargé. Les fils de pute à les alentours, je m'en charge. Chargé, chargé, chargé, chargé. On l'a pas eu, on l'a raté, on l'a raté, on l'a raté.